Me voyez-vous ? Je suis là, partout autour de vous. Dans le bleu de la Méditerranée, dans les paysages spectaculaires des fjords et dans la magie des Caraïbes. Je suis prête à vous être révélée pendant votre croisière MSC. Alors embarquez pour découvrir des lieux merveilleux à partir de 599 € par personne. MSC Croisière, révélez la beauté du monde. Conditions en agence de voyage ou sur msccroisière.fr. Bonjour tout le monde, bonjour Xavier Mauduit. Je vous propose de redécouvrir notre série sur Érasme, penseur du XVIe siècle, pas toujours très bien connu malgré le fameux programme Erasmus. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Dans notre série de cette semaine consacrée à Érasme, il est temps d'évoquer la relation tumultueuse entre Érasme et Luther. Le second s'est au début réclamé de la sagesse érasmienne, mais Érasme n'a guère goûté les aspects guerriers de la réforme. Quatrième épisode, Érasme, Luther, la grande bagarre. Martin Luther, prêtre allemand qui en 1517 a placardé à Wittenberg 95 thèses très critiques de l'église de son temps, est condamné en 1519 par les facultés de théologie de Cologne et de Louvain. Érasme avait là beaucoup d'amis et il refuse d'intervenir. En 1520, le pape Léon X, ami d'Érasme, écrit une bulle sévère contre Luther, justifiant son excommunication. Là encore, Érasme laisse faire. Charles Quint, à la tête du Saint-Empire romain germanique, convoque une diète pour juger Luther. Le prince Frédéric de Saxe, protecteur de Luther, est invité à s'y présenter. Et avant de le faire, il s'entretient avec Érasme. C'est peut-être Érasme d'ailleurs qui a suggéré à Frédéric de faire entendre publiquement Luther lors de cette diète dite de Worms. Érasme pensait-il qu'une explication publique de Luther réglerait ce qu'il fallait penser comme un malentendu ? Pouvait-il ignorer que Luther redirait là son intransigeance au mépris des conséquences ? Et en ne se présentant pas lui-même Érasme à cette diète, que voulait-il signifier ? Peu après cette diète d'ailleurs, Érasme assistera en 1521 au couronnement de Charles Quint à Aix-la-Chapelle. Bref, que se joue-t-il entre ces deux personnages, Luther et Érasme ? Une discussion sur la liberté de l'homme face à la puissance de Dieu, certes, un débat impliquant Augustin et Paul lui-même, mais aussi un affrontement inévitable entre deux caractères incompatibles. Pour en parler, je reçois Jean-François Cottier, professeur de langue et littérature latine à l'Université Paris-Cité. Bonjour. Bonjour, Géraldine. Et j'accueille aussi Pierre-Olivier Léchaud, professeur d'histoire moderne à l'Institut protestant de théologie de Paris, spécialiste des idées théologiques entre la Réforme et les Lumières. Bonjour. Bonjour. Si Érasme avait eu à cœur la gloire de Jésus-Christ et de l'Évangile, au lieu de s'amuser à écrire des contes d'enfants et l'éloge de la folie, il aurait donné un bon commentaire sur l'une des épîtres de Paul. Mais cet esclave de la raison n'en a vécu. Oui, Érasme n'était pas ses maîtres dans l'art d'embrouiller les questions, de s'exprimer en termes équivoques et obscurs, qui peuvent signifier noir ou blanc au gré de chaque partie. Je regrette qu'il soit mort voici 4 ans. Avant que j'aie pu lui offrir le combat, et avec l'aide de Dieu, le confondre. Du moins, voudrais-je délivrer l'Église de ses doctrines d'erreur et de fausseté. Pardonnez-moi, mon bon ami, je ne voudrais pas vous contrister, mais j'aurais souhaité vous voir user de plus de ménagement avec cet illustre humaniste. Non que je défende son attitude, mais son influence sur les lettrés est si grande. Mais raison de plus pour ne pas l'épargner. Érasme, c'est l'orgueilleuse raison qui s'institue juge de la foi. La parole de Dieu ne doit jamais s'incliner devant la débile et misérable raison. On voit Madeleine qui vient fermer la porte en apportant les haricots et notre chien Purzel est entré dans la salle. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Vous venez d'entendre une fiction passée sur la RTF en décembre 1959 qui s'intitulait « Ainsi parlait Martin Luther » sur un texte de René Louis. Alors, ce que j'aimerais bien savoir, c'est si d'après vous, les grands spécialistes des questions théologiques, il y a dans l'affaire Luther-Érasme, Paul, Saint Paul, l'épître aux Romains particulièrement, c'est dit dans cet extrait. Oui, ça, je crois que j'avais compris et vous allez nous expliquer cela en détail. La question de la grâce, des textes de Saint Augustin qui ne sont pas lus de la même manière. Mais n'y a-t-il pas aussi et fondamentalement un problème de caractère? Je vous écoute l'un et l'autre. Pierre-Olivier Leschaud, pour commencer. Oui, c'est incontestable que les deux hommes sont assez différents, à la fois physiquement et je dirais psychologiquement. Alors pour ce qui est de Luther, bien évidemment, c'est un personnage qui s'est aussi beaucoup mis en scène. Hein, le Luther plein de santé, extrêmement virulent dans ses propos. Le gros Luther, hein, Der Dicke Luther, c'est comme on disait à l'époque, c'est une thématique qu'on retrouve beaucoup et que lui-même a beaucoup joué. Et effectivement aussi contre Erasme, qui était... qu'il regardait en tout cas comme quelqu'un de malingre, ce qui était pour lui le signe aussi d'idées qu'il estimait déviantes, surtout à la fin. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-François Cottier, la part du caractère dans cette bataille? Alors, la part du caractère, moi j'aimerais d'abord revenir sur ce que vous avez dit en début d'émission, qui me paraît quand même un portrait à charge et assez faux par rapport à la réalité. Erasme lui-même, il ne faut pas l'oublier, est constamment attaqué par ses collègues de la faculté de théologie de Paris, de Louvain. Et au contraire, on dit qu'il n'est pas là à la diète de Worms. Il n'est pas là, mais c'est justement pour ne pas avoir à attaquer Luther. Donc on peut prendre plutôt cette absence comme une volonté d'Erasme de défendre Luther. Et je crois que c'est une position constante dans la vie d'Erasme. Pardon. Il a toujours cherché à protéger Luther. Il va même jusqu'à écrire à Frédéric de Saxe de protéger Luther, ce que Frédéric de Saxe fera. C'est tout le problème, j'entends parfaitement la critique, je me demande même si je ne l'ai pas fait un peu exprès pour vous faire réagir, de présenter ainsi les choses. Mais il reste vrai que celui qui est en retrait, qui est quand même le comportement et le caractère d'Erasme, eh bien on peut projeter sur lui beaucoup de choses. Une lâcheté, une envie de ne pas dire. À l'inverse, il dit que c'est bien que Luther s'exprime. Ça lui a fait beaucoup de mal à Luther de s'exprimer publiquement et de parler comme il l'a fait. Donc ce que je veux juste dire, c'est que celui qui se retire, c'est une position polysémique. Et donc, c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est un peu confortable et ceux qui aiment le courage le trouvent un petit peu lâche, non? Alors, de nouveau, je vais vraiment m'inscrire en faux. J'appuie sur le bouton, comme vous voyez. Oui, oui, mais je vais répondre. Vraiment, on ne peut vraiment pas accuser Erasme de lâcheté. C'est quelqu'un qui, toute sa vie, a combattu pour ses idées. Alors certes, avec ses moyens à lui, c'est-à-dire l'écriture, les commentaires des textes, les éditions, mais on ne peut pas vraiment pas reprocher à Erasme sa lâcheté. C'est un homme prudent. C'est un homme qui ne veut pas la révolution. Il veut la transformation. Mmh. Et donc, on devrait au contraire savoir gré à Erasme d'avoir essayé de maintenir l'Église dans une sorte de calme relatif. Et que je sache, Martin Luther est mort aussi dans son lit et protégé par un des plus grands princes allemands. Donc il faut aussi arrêter très de poser bon stratège, très naïvement bon stratège. Oui, oui. Voilà, deux personnalités qui, à mon avis, vont dans le même sens. Je voudrais savoir absolument comment vous réagissez de votre côté à cette analyse qui vous est proposée. Ah, j'y souscris tout à fait. Je pense qu'il faut faire aussi attention à un point, c'est que les deux hommes ont aussi beaucoup jouer la communication au fond. Erasme a voulu incarner une forme de prudence là où Luther voulait incarner une forme d'outrance. Tout ce qu'il a dit sur le génie allemand, la force des Allemands, les Allemands robustes, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la communication et ils sont tout à fait là-dessus. Et je suis entièrement d'accord sur la question du courage d'Erasme. On oublie qu'il a vécu dans une ville, Bâle, qui est acquise à la cause de la réforme et que très régulièrement il se trouve aux prises avec des protestants qui lui disent mais tu ne fais pas ce qu'il faudrait, qu'il l'agresse, qu'il se moque de lui, enfin, et il a tenu bon. Donc là, et vous pensez que s'il était allé à la diète de Worms, il aurait défendu peut-être Luther, comme vient de le suggérer Pierre-Olivier Leschaud? Je me permets de trouver cette hypothèse évidemment possible, hein, on peut toujours imaginer, mais peut-être un peu excessive. Au contraire, il avait peut-être peur de lui-même, il avait peut-être peur de ne pas le défendre du tout et de l'enfoncer trop. Jean-François Cottier. Alors, je crois qu'il est conseiller de Charles Quint. Hein. Il est conseiller de l'empereur. Il ne peut pas. Enfin, il faut aussi se remettre dans le contexte historique de l'époque. Il n'a pas le pouvoir. Il n'est ni évêque, ni cardinal, ni pape. Il est un simple conseiller. Et si on lui demande de venir, il sait très bien que c'est pour attaquer Luther. Il refuse. Donc moi, je pense que le retrait même, l'absence même d'Erasme lors de la diète, est un signe très clair envoyé à l'empereur et à ses conseillers preuve en est, c'est que finalement, Martin Luther sera protégé. Et Pierre-Olivier Leschaud ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est très vrai. Et effectivement, Luther sortira de la diète, mis au banc de l'Empire, mais protégé effectivement aussi parce qu'il a derrière lui un certain nombre de souverains allemands, en particulier l'électeur de Saxe qui le protège. L'électeur de Saxe, tout à fait. Ouais. Alors, on va rester un tout petit instant sur les aspects non seulement psychologiques, mais morpho-psychologiques que vous avez vous-même évoqués, parce que franchement, nous avons affaire à deux personnages complètement opposés et nul ne l'a mieux exposé que Stefan Zweig dans son livre, ce récit biographique, sans doute un peu romancé, vous me direz ce que vous en pensez, Erasme, grandeur et décadence d'une idée, c'est un livre de Stefan Zweig de 1934. De mineur et descendant d'une famille de paysans, Luther est plein de santé, débordant même, au point que son excès de force est un danger pour lui. Il est doué d'une vitalité dont il se réjouit grossièrement. « Je mange comme un bohémien et bois comme un allemand. » Toute la vie, l'élan, la brutalité d'un peuple se trouvent amassés dans cette nature trop riche, prête à éclater. Quand il élève la voix, on croirait entendre mugir un orgue. Ses mots ont la saveur rude et salée d'un pain de seigle encore chaud. On y retrouve tous les éléments de la nature. L'odeur de la terre, du purin et du fumier. Son éloquence enflammée se déchaîne sur l'Allemagne avec la violence destructrice d'un ouragan. Si nous mettons Luther, cet homme corpulent, solidement charpenté, charnu, sanguin, au front bas où saillissent, menaçant ses bosses de la volonté qui rappellent les cornes du Moïse de Michel-Ange. Si nous mettons cette motte de terre en face de l'intellectuel qu'est Erasme, de cet être mince, fragile, délicat, craintif, à la peau fine, couleur de parchemin, et si nous ne les considérons que physiquement, nos sens, plus prompts que notre pensée, perçoivent qu'entre des individus si différents, il ne pourra jamais exister d'amitié ou même d'entente. Quand Luther parle, les murs résonnent, l'église tremble, l'univers chancelle. Mais à table, au milieu d'amis, il sait rire à gorge déployée et chante volontiers d'une voix mâle et sonore, car après la théologie, c'est à la musique que vont ses préférences. Alors qu'Erasme a la voix douce et faible d'un poitrinaire, qu'il polit, tourne ses phrases avec art et les pimente de fines saillies. Chez Luther, les mots jaillissent comme un torrent et sa plume court sur le papier comme un cheval aveugle. Une force atmosphérique émane de sa personne. Il maintient dans une sorte de servitude tous ceux qui sont autour de lui. Mélange-t-on Spalatin et les princes eux-mêmes. Chez Erasme, au contraire, c'est quand il est invisible que sa puissance se fait le plus sentir. Dans ses ouvrages, dans ses lettres, dans tout ce qu'il écrit. Il ne doit rien à son pauvre petit corps. Il doit tout à son esprit élevé, vaste, universel. Magnifique quand même ce double portrait d'Erasme et de Luther par Stefan Zweig. Pierre-Olivier Leschaud, ça explique beaucoup de choses, hein ? Oui, et en même temps, c'est un texte, je crois qu'il faut replacer dans son contexte. Hein, Zweig écrit en 1934 dans l'Allemagne nazie, et ce qu'il veut aussi dénoncer, c'est un certain discours sur la santé du peuple allemand. Et Luther, c'est la cible idéale, parce que Luther en a joué de ça. L'Allemand plein de santé, qui s'oppose aux Romains qu'on trouvait, etc. Et puis très franchement antirationaliste et très franchement antisémite. Voilà, exactement. Donc, tout à fait, absolument. Et donc, il est la cible idéale pour ça. Alors qu'en fait, bon, Luther a pu aussi parfois se montrer dépressif. Il doutait en 1520. Il est sur le point de partir en Bohême, de s'exiler parce que tout est fichu. En 1542, il disparaît pendant 6 mois parce que sa fille est morte. Enfin, c'est un personnage beaucoup plus, je dirais, complexe que l'image que Zweig nous en donne dans un texte qui reste magnifique et qui est parfaitement justifié compte tenu du contexte dans lequel il écrit. Votre réaction à vous, Jean-François Gauthier. Je suis tout à fait d'accord. C'est un texte littéraire, hein, le texte de Zweig, qui nous dit plus, je crois, sur l'auteur que sur nos deux héros. Évidemment, Erasme est un être frêle. Hein, dans sa préface au Libre Arbitre, il dit « Qui suis-je, moi, un moustique pour attaquer un éléphant ?» Je trouve que on pourrait faire une fable, hein, le moustique et l'éléphant, mais en fait, Erasme est aussi un bon vivant. Erasme, il aime le vin de Bourgogne. Erasme, il est connu pour être un ami formidable, quelqu'un de drôle. Donc, il faut quand même se méfier beaucoup de cette opposition littéraire. On est obligé quand même de dire cela. Erasme a rompu ses vœux. Hein, il finira par y arriver. Alors, bon, Alors, expliquez-moi. C'est plus subtil que ça. Plus difficile encore. Il ne faut pas oublier d'où il est né. Hein, il est fils de prêtre. Bâtard d'une famille, voilà, donc ses parents meurent quand il est jeune, et il rentre dans les ordres parce qu'au fond, il n'a pas beaucoup de choix, mais finalement, il va être dispensé de ses vœux. C'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas sous... fait-elle qu'il aurait pu, par exemple, faire ce qu'a fait Luther, alors lui, sur le mode truculent et spectaculaire qui le caractérisait, c'est-à-dire se défroquer et épouser une ancienne nonne. C'est ce qu'a fait Luther. Il y a ça aussi dans le double portrait de manière latente. Ça, c'est certain. Et chez Erasme, non, il va rester un être un petit peu monacal. Mais alors, pas un petit peu monacal. Erasme reste un clerc toute sa vie. D'accord. Il va même refuser la barrette cardinaliste. Mais ça veut quand même dire que le pape est prêt à le nommer cardinal. C'est un homme d'église qui est, à cause de sa santé chétive, et parce que, bien sûr, il avait peu de goût pour la discipline monastique. Donc, il est dispensé de ses vœux, mais il ne rompt pas ses vœux. Hein. Il reste un homme d'église. Et donc, le célibat est une valeur qui reste pour lui importante toute sa vie, alors que justement, c'est une des premières choses que Luther va faire exploser, dans sa propre vie d'ailleurs. C'est une très jolie question. Que lui-même ait respecté son vœu de célibat, c'est une question. Mais Erasme est quand même très connu pour être un des premiers à faire un éloge du mariage et à s'intéresser beaucoup au sort des femmes, notamment des femmes mariées, dans ses colloques, par exemple. Hier, dans l'Éloge de la folie, nous avons vu qu'il faisait une critique acerbe du mariage, certes dans la bouche de la déesse folie. Dans la bouche de la folie. Mais enfin, son éloge du mariage, son institution du mariage chrétien, est un texte fondamental. Mm-hmm. Je crois que c'est la première fois dans l'Occident moderne qu'un théologien, parce que Erasme est théologien, va promouvoir le salut possible par le mariage. Il faut quand même voir aussi que c'est très novateur. Donc il faut vraiment faire très attention. C'est pas parce qu'Erasme a dû faire des vœux un peu forcés contraints et qu'il a, au fond, respecté son engagement religieux et été reconnu par ses pairs. Hein. Encore une fois, le pape lui propose le chapeau cardinaliste. C'est pas pour rien. C'est aussi pour service rendu à l'Église. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a tout à fait à cœur de réfléchir au septième sacrement, le sacrement du mariage, et qui va avoir des mots extrêmement beaux et extrêmement forts pour le sur vrai les mariage femmes d'amour. Et sur le fait que le mariage vécu dans l'amour est un moyen de salut. Vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Oui, je crois que sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, on y gagne, historiquement parlant, à concevoir Luther dans la continuité d'Erasme. Il pousse les choses plus loin, avec des modes de communication qui, certes, sont beaucoup plus actifs, mais en définitive, là aussi, sur la question du mariage, c'est la suite logique d'une certaine façon. Alors maintenant, arrivons à la fâcherie philosophico-théologique. Essayons de l'aborder avec philosophie, peut-être en mettant maintenant la psychologie en dehors. Alors, le retrait par rapport au problème qu'a Luther, le retrait des races, vous l'avez très bien dit, peut-être interprété de 1000 façons, aidant malgré tout ou condamnateur malgré tout. J'entends l'ambiguïté, je la respecte. Mais il y a un moment où un de ses anciens disciples, Ulrich von Hutten, qui avait beaucoup d'admiration pour Erasme, qui le lui rendait d'ailleurs, se retrouve clairement dans le camp luthérien et est ulcéré à ce moment-là par l'absence d'engagement d'Érasme. Et c'est lui qui va le provoquer dans une diatribe qui s'appelle Expotulatio cum Erasmo, excusez-moi, où d'ailleurs il lui dira même, là c'est Zweig qui cite, mais bon, moi je lui fais confiance quand même à Zweig, « Tu seras forcé de dresser ta propre science contre toi-même et d'être éloquent contre ton éloquence de jadis, tes propres ouvrages se combattront entre eux. » Quels que soient les vrais mots, en tout cas Erasme n'a pas supporté, et c'est ça, semble-t-il, sauf si vous me démentez, qu'il a fait sortir de son silence, voulant laver avec éponge, je cite, « les outrages d'Hutton. » Que va-t-il se passer et quel est ce texte pour le libre arbitre? Précisez-nous l'un et l'autre. Ce texte d'Érasme, quel est-il? Qu'en paraît-il? Et est-il vraiment, au bout du compte, stimulé par cette provocation d'un de ses disciples devenus luthériens? Jean-François Cottier. Alors, la dispute avec Hutten, évidemment, est célèbre. Et là, de nouveau, hein, le texte de Stefan Zweig est, si vous voulez, admirable littérairement. Mais en fait, il prend au pied de la lettre les termes de la polémique et de l'attaque de Hutten. La réponse d'Érasme... Érasme aimait beaucoup Hutten. C'était un de ses disciples préférés. Mmh. Et il utilise le mot de « éponge » pour laver les éclaboussures. C'est pas si violent. Spongia, on l'a Spongia, c'est un texte... Mmh. Je crois que c'est un désamour, c'est-à-dire que Hutten aimerait qu'Érasme embrasse le combat de la réforme, qu'Érasme se tienne beaucoup plus proche de Luther qu'il ne le fait. Érasme refuse pour des raisons qui lui sont propres, et en particulier, et je pense que c'est une raison tout à fait respectable, par souci de l'unité de l'Église. Et je ne crois pas que le texte de Hutten soit la cause du traité sur le libre arbitre. Mm-hmm. Il se trouve que chronologiquement, ça se suit. Oui. Mais la vraie raison de ce traité sur le libre-arbitre, c'est une pression extrêmement forte de l'autorité catholique, des papes, mais aussi de l'empereur, qui voudrait qu'Érasme enfin prenne parti. Et quand je dis « enfin prenne parti », c'est pour rappeler que tant qu'il l'a pu le faire, Érasme n'a pas voulu attaquer Luther. En tous les cas, pas d'une manière... radical. Et même, et on en parlera tout à l'heure avec mon collègue, même son traité sur le libre arbitre, c'est une question importante. C'est pas un donc détail. Donc ça, c'est 1521 1524. Et par contre, dès 1519, ils ont des échanges épistolaires. Donc il a vraiment fallu que ça couve longtemps l'opposition, qu'il y ait sans doute quand même cette provocation de von Hutten pour qu'en 24, Érasme sorte de ses gonds. Qu'est-ce que vous en pensez? Je parle de cette chronologie et de ces échanges divers, Pierre-Olivier Léchaud. Mais ce qu'on peut dire, je crois, c'est que les deux y vont à reculons, en fait. C'est-à-dire que Érasme met énormément de temps à se lancer. Il y a effectivement la pression des autorités politico-religieuses qui jouent. Il y a aussi un climat qui lui apparaît de plus en plus délétère dans la ville de Bâle. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Il est régulièrement agressé par des évangéliques, des protestants comme le réformateur Guillaume Farel. Et c'est cet ensemble d'éléments qui finalement le pousse. Mais on le voit dans ses lettres, Érasme dit bien qu'il y a été... Enfin, il a été piqué, il a été aiguillonné à le faire, et c'est pas quelque chose qu'il fait volontiers. Et la réponse de Luther, elle met aussi du temps, parce que Luther n'a pas envie de s'en prendre à cette figure pour laquelle, malgré de grandes divergences, il garde un respect et une dette intellectuelle immense. Alors, bon, nous n'avons pas choisi une lecture explicite du libre arbitre d'Érasme, mais vous allez nous en parler très bien. Nous avons choisi, pour sa clarté, une lettre d'Érasme à Luther qui soulève exactement les même question, en 1519, écoutez. Aucun mot ne peut dire quelle tragédie ont suscité tes livres. Jusqu'à présent, je n'ai pu enlever de la tête de ces gens-là l'idée parfaitement fausse que j'avais encouragé le fruit de tes veilles, et que j'étais, comme ils le disent, le porte-drapeau de ton parti. Ils ont pensé qu'ils tenaient là une excellente occasion d'opprimer d'abord les bonnes lettres, ensuite de m'écraser moi-même qui, à leurs yeux, ai joué un rôle non négligeable dans le renouveau des études. Pour moi, aussi longtemps que je le pourrai, je resterai moi-même, afin de pouvoir travailler davantage à la renaissance des bonnes lettres. Il me semble qu'on progresse mieux par la réserve et la modération que par les éclats. C'est ainsi que le Christ a rangé le monde sous son autorité. Ainsi que Paul a abrogé la loi judaïque en conférant à tout un sens allégorique. Il serait plus utile d'élever la voix contre ceux qui abusent de l'autorité des évêques que contre les évêques eux-mêmes. Il faut agir de la même manière, selon moi, avec les rois. Il est plus utile de ramener les écoles à des études sérieuses que de jeter sur elles le discrédit. Ce qui est trop largement admis pour qu'on puisse en détourner brutalement les esprits, il faut en discuter avec des arguments serrés et efficaces, plutôt que de recourir à des affirmations péremptoires. Les polémiques virulentes de certains, il vaut mieux les mépriser que s'y opposer. Il faut toujours éviter l'arrogance et l'esprit partisan dans nos paroles et nos actions. Voilà qui sera agréable à l'esprit du Christ. Gardons en même temps notre âme pure, de la colère, de la haine et du désir de gloire. Car celle-ci a coutume de nous guetter au milieu de notre zèle pour la piété. Ces conseils, je te les donne, non pour que tu les suives, mais pour que tu agisses toujours comme tu le fais. J'ai savouré tes commentaires sur les psaumes. Ils me plaisent beaucoup et j'espère qu'ils seront d'une grande utilité. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Lettre d'Erasme à Luther de 1519 qui vient de vous être lue par Riyad Kera. Alors, je crois quand même que la question de la liberté ou du libre-arbitre n'est pas tout à fait absente de cette lettre qui invite à la modération, à l'évitement des polémiques trop aiguës, qui a même une petite part, je vais me faire gronder, mais c'est pas grave par vous, d'hypocrisie quand à la fin Erasme dit « Mais tu sais, Luther, je trouve que tu agis plutôt bien, continue d'agir comme tu le fais, j'ai savouré tes commentaires sur les psaumes », alors qu'en fait, il y a quand même de la tension déjà entre eux. Mais bon, peu importe, c'est son comportement. Là où il y a un enjeu autour de du libre-arbitre, c'est qu'on peut se modérer, qu'on peut choisir d'avoir une attitude morale, respectueuse de l'eau. C'est ça qu'il dit quand même Erasme. Et évidemment, quand on sait que Luther va évoquer plutôt le serf arbitre, quelque chose qui ne dépend pas de nous fondamentalement en nous, il me semble que cette lettre annonce bien la polémique de 1524-25. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-François Coty? Alors, je suis désolé, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Ce serait pas drôle, sinon. C'est mon rôle. En fait, moi, cette lettre, je ne pense pas du tout qu'elle soit hypocrite. Je pense qu'elle nous dit quelque chose de très important qu'il ne faut pas oublier, c'est que Erasme et Luther sont des humanistes. Et que ce qui caractérise l'humanisme, c'est le retour au texte, ad fontes, c'est l'édition des textes, c'est le commentaire des textes, et c'est en ça que Luther admire Erasme. On l'a vu dans une des émissions précédentes. 1516, Erasme donne à la chrétienté, c'est quelque chose de majeur dans l'histoire occidentale, il donne pour la première fois le texte critique grec du Nouveau Testament, une nouvelle traduction du texte latin qui n'avait jamais été refaite depuis Jérôme et la Vulgate, et des annotations qui expliquent les erreurs des apôtres ou les erreurs des commentateurs. Donc, le Novum Instrumentum de 1516, c'est un monument tellement fondamental que Luther ne peut qu'être admiratif. Et d'ailleurs, Luther est extrêmement aussi connu pour avoir le premier donné une traduction allemande de la Bible, et il le fait sous l'impulsion d'Erasme. Erasme qui, dans la Paraclésis, dans l'introduction au Nouveau Testament, va souhaiter de tout son cœur que l'homme, que la femme, que l'agriculteur, même que le Turc, puisse lire les Écritures. Ce passage est formidable. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce texte, dans cette lettre? Cette lettre, c'est le début des échanges. Luther a envoyé une lettre à Erasme quelques mois plus tôt. Erasme prend son temps, il prend 2 mois, 3 mois pour répondre. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui répond, mais voilà, nous sommes tous les deux engagés dans un combat pour réformer l'Église de l'intérieur, et on va le faire avec les instruments qui sont les nôtres, c'est-à-dire les studia humanitatis, cette chose nouvelle par rapport à la scolastique. Mm-hmm. Vous avez parlé dans une émission précédente du livre contre les barbares. Eh bien, on en est là. Oui. C'est-à-dire que ici, Erasme et Luther sont d'accord sur une chose, c'est qu'il faut retourner au texte, ad fontes, qu'il faut retourner au sens du texte, et que quand il dit à Luther, j'ai savouré tes commentaires sur les psaumes, c'est pas du tout ironique. D'accord, ils ont été publiés à Wittenberg en 419. Je n'interpréterai plus. Alors maintenant, je voudrais qu'on parle du fond. Donc, quel va être, puisqu'il y a admiration mutuelle, sans ironie ni hypocrisie, que se passe-t-il dans ce texte de 1524 du Libre Arbitre? Quel est le point théologique sur lequel Erasme dit quelque chose de précis qui a à voir, me semble-t-il, avec Paul, mais c'est à vous de me le dire, et avec Augustin, que ne pourra pas supporter Luther. Alors, je commence. Qui commence? Je commence simplement. Ah oui. Alors, encore vous, Jean-François. Encore moi, mais je serai. Côté de la vie générale du studio. J'entends Pierre-Olivier Léchaud qui préfère que vous commenciez. Alors, en fait, c'est très simple. Ils vont prendre un point de dispute, comme on faisait pendant tout le Moyen-Âge, une dispute théologique. Il ne faut pas oublier que c'est une dispute théologique, pas anthropologique, pas philosophique, théologique. Donc sur quoi? Sur le rôle de la grâce dans le salut humain. Et Erasme va être du côté du premier Augustin, de l'Augustin antérieur à la crise pélagienne. C'est-à-dire que Pélage ne croit pas au péché originel et donc pense que l'homme est tout à fait libre de ses choix. Erasme va partir de cette idée sur la grâce en disant, au fond, que tout le mal vient de l'homme et que toute la grâce vient de Dieu. Autrement dit, excusez-moi, je veux être sûre de comprendre. Nous pouvons pécher beaucoup, mais, ça c'est l'épître aux Romains qui le dit très clairement de Paul, mais, et c'est la chair là qui est en cause, nous pouvons aussi, j'ai envie de dire, nous ressaisir et obtenir la grâce. Et d'ailleurs, il y a cette formule de Paul, la loi est intervenue pour que prolifère la faute, mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé, la grâce peut intervenir. La question sur laquelle personne n'est d'accord, c'est de savoir si la grâce tient à un repentir qui vient de l'homme avec toute sa liberté de changer, ou bien si le fait même qu'il change et qu'il se repentisse tient à l'intervention de Dieu, auquel cas il n'est qu'entre les mains de Dieu, et le fait même qu'il se comporte mieux viendrait de Dieu et non pas de lui-même. Est-ce que c'est ça le problème et la grosse dispute, Pierre-Olivier Léchaud, entre Erasme et Luther? Alors, pour ce qui est de Luther, je crois que dans le Serf Arbitre, ce qui lui importe, c'est avant tout une question de langage. C'est-à-dire que, pour lui, si l'on tient à parler du point de vue, enfin, à partir de l'Évangile et donc à partir de la parole de Dieu et donc de Dieu, on est obligé de reconnaître que tout dépend finalement de lui. On peut, du point de vue de l'être humain, dire que on choisit librement ceci ou cela, que l'on va opter pour ceci ou cela, ce qu'on appelle la liberté d'indifférence, mais dès lors que l'on tient un discours théologique cohérent, on ne peut qu'admettre l'idée de la grâce. C'est ça l'idée. Donc l'idée de la grâce, ils l'admettent tous les deux, si je comprends bien. Oui. Le sujet est de savoir si c'est l'homme qui travaille et qui, d'une certaine façon, parvient à la mériter en se repentant, ou bien si c'est Dieu qui fait tout, c'est-à-dire si c'est le fait même que l'homme, à un moment, mérite la grâce, tient au fait que Dieu a voulu le sauver et a voulu le rendre graciable, j'ai envie de dire, de manière un peu barbare. C'est ça ? Oui, et puis alors, pour aller plus loin, ce qui est dans cette ligne-là, ce qui est important, c'est que pour Luther, comment dire, Dieu étant ce qu'il est, ne peut pas être considéré comme changeant d'avis. Donc en fait, c'est Dieu pour Luther, c'est Dieu qui décide de tout. Nous n'avons pas de libre arbitre, c'est ça? Alors, encore une fois, si je prends les choses de mon point de vue ici et maintenant, pour Luther, j'ai le droit d'attraper ce verre qui se trouve devant moi. C'est un choix comme il y en a d'autres. Et il est en soi libre du point de vue de l'être humain. Mais du point de vue de Dieu, tout advient par Dieu. C'est donc, une question de point de vue et de langage. Donc il n'y a pas cohérent. De mérite propre à l'homme, il n'y a pas cette marge de liberté qui lui permettrait de gagner la bienveillance divine, même s'il a beaucoup péché avant. C'est Dieu qui... C'est la question de la prédestination. Oui, tout à fait. Qui est la vieille question qu'Augustin met au premier plan, n'est-ce pas, Jean-François Cottier? C'est ça. En fait, pour moi, il y a deux aspects très intéressants dans ce texte. D'une part, Érasme va, au fond, s'inscrire dans la tradition de l'Église. C'est-à-dire que l'argument qu'il donne n'a rien de révolutionnaire. Il ne fait que rappeler à Luther, il ne fait que rappeler la position de l'Église dans son histoire, dans la longue histoire. Parce que cette question de la grâce, c'est pas une histoire qui arrive au XVIe siècle. C'est une vieille question. Oui, mais même chez les Grecs. Une vieille affaire. Voilà, on peut se dire que c'est une question qui a toujours tourmenté l'humanité. Est-ce que nous sommes libres de nos actions? Et on pourrait aller jusqu'à la psychanalyse aujourd'hui. C'est pour ça que c'est une question aujourd'hui. Spinoza. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est pour ça qu'on en parle avec philosophie dans une émission de philo. On ne fait pas de la théologie ici. Voilà, donc le traité d'Érasme est assez court. C'est un petit traité. Et Érasme, au fond, fait son devoir et explique la position de l'Église. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que Luther va en profiter pour en faire une pierre d'achoppement. C'est-à-dire qu'il va forcer le trait. Preuve en est, c'est que Luther, quelques années plus tard, fera quand même des sermons sur les bonnes œuvres. Donc, il faut quand même pas... Voilà, la position... C'est un stratège. Il adore forcer les oppositions. Voilà, il veut forcer, il veut... que ce texte soit le lieu de la rupture. Et Érasme ne le veut pas. Voilà. Et d'où ces formules terribles. Luther dit clairement le libre arbitre qui nous permet de mériter la grâce, ça n'a pas de sens. Dieu nous prédestine. Il a cette formule incroyable dans un texte qu'on va lire. La volonté humaine est-elle une bête de somme? On écoute Ducer arbitre de 1525 de Martin Luther. La volonté humaine est placée entre Dieu et Satan, telle une bête de somme. Si c'est Dieu qui la monte, elle veut aller et elle va là où Dieu veut. Comme dit le psaume, je suis devenu comme une bête de somme et je suis toujours avec toi. Si Satan la monte, elle veut aller et elle va où veut Satan. Et il n'est pas dans son arbitre de courir vers l'un ou vers l'autre de ses cavaliers ou de le chercher. Mais ce sont les cavaliers eux-mêmes qui se combattent pour s'emparer d'elle et la posséder. Si toutefois nous ne voulons pas abandonner cette expression « libre arbitre », ce qui serait le plus sûr et le plus religieux, nous devrions toutefois enseigner à l'employer avec bonne foi, dans la mesure où le libre arbitre peut être concédé à l'homme, non à l'égard de la réalité qui lui est supérieure, mais à l'égard de celle qui lui est inférieure. C'est-à-dire de telle manière qu'il sache qu'en ce qui concerne sa fortune et ses possessions, il a le droit d'user, d'agir et de s'abstenir conformément au libre arbitre. Quoique cela même soit aussi régi par le libre arbitre de Dieu seul, en n'importe quelle direction qu'il plaise. Pour le reste, s'agissant de Dieu ou des choses qui concernent le salut ou la damnation, l'homme n'a pas le libre arbitre, mais il est captif, sujet et esclave, soit de la volonté de Dieu, soit de la volonté de Satan. Un extrait donc du Ducer arbitre de Luther, lu par Anna Feulpin, qui a beaucoup préparé avec moi cette émission. Le problème, Pierre-Olivier Leschaud, entre Érasme et Luther, moi je me demande s'il ne vient pas du texte paulinien lui-même, parce que dans l'Épître aux Romains, Paul dit bien que l'Esprit, je cite chapitre 8, vient en aide à notre faiblesse, donc nous pouvons obtenir la grâce, l'Esprit peut intervenir, mais dans la même phrase, ou la phrase juste après, il dit « Celui qui scrute les cœurs sait quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu, en effet, que l'Esprit intercède pour les saints. » Autrement dit, si l'Esprit intervient pour nous sauver, alors que nous avons par exemple beaucoup péché, ce n'est peut-être pas grâce à nous, c'est grâce à Dieu qui a décidé de nous choisir comme celui qui aurait la grâce. Donc, le problème Et déjà chez Paul. Oui, et ce sera d'ailleurs le sujet, disons, de tous les débats sur cette question. Comment est-ce qu'on interprète Paul et l'Épître aux Romains ? On retrouve ça chez Calvin aussi, au XVIe siècle, etc. Et j'évoquais Spinoza tout à l'heure. Spinoza aime bien citer ces passages-là pour défendre sa vision déterministe. Donc c'est un texte qui va aller au-delà même de la théologie. Mais effectivement, on peut dire que Luther en fait une lecture augustinienne, et je dirais même hyper-augustinienne. Ouais, prédestination totale. Oui, oui, oui, il va au-delà, je crois, même d'Augustin. Et c'est, au fond, la conséquence même de sa théologie, c'est-à-dire que Luther plaide pour la justification et le salut par la foi. Or, la foi est un don de Dieu, donc celui qui sera sauvé, c'est celui à qui Dieu a donné la foi. Là, il y a une logique, effectivement. Mais j'aimerais attirer l'attention sur ce texte qu'on vient d'entendre, parce que vous voyez que Luther dit bien que pour ce qui regarde les choses inférieures, c'est-à-dire le quotidien, en définitive, l'être humain a le droit d'user, d'agir et de s'abstenir conformément au libre arbitre. Donc, il ne nie pas une certaine liberté humaine. Dans le quotidien. Dans le quotidien. C'est sur les questions qui y a affaire au salut. Oui. Est-ce que je peux me permettre? Attends, j'ai un tout petit peu égratigné Erasme. Maintenant, je vais égratigner. Oui, puis il le mérite tout autant, si ce n'est plus. Non, mais franchement, pour quelqu'un qui considère que tout est décidé par Dieu, pour ce qui est de l'essentiel, nous sommes bien d'accord. Il a quand même passé son temps à interpréter les textes avec un libre arbitre extraordinaire. Ah. L'exemple typique, c'est quand même le chapitre 13 de l'Épître aux Romains qui dit qu'on n'a jamais le droit de désobéir aux autorités temporelles. Il a longuement commenté ce texte. Oui. Il l'a utilisé pour justifier le massacre des paysans de Münster qui se réclamaient de sa foi mais qui étaient en révolte. Et il a dit « il faut les écrabouiller ». Texte de 1525 « Cher Seigneur, poignarder, pourfender, égorger à qui mieux, il faut fermer leur gueule à ces êtres nuisibles ». Excusez-moi, c'est du Luther dans le texte. Et puis après, quand ça l'arrange un peu moins, et on est quand même sur la question de que faire face à Dieu, on est sur une question fondamentale, il dit « non, mais finalement, quand c'est des protestants qui sont plutôt, pour le coup, d'accord avec lui et qu'il dirige, finalement, on a quand même le droit, dans certains cas, de désobéir à l'autorité temporelle. Il y a des cas de légitime défense. » Bon, la vérité, c'est que le libre arbitre, pour interpréter des textes fondamentaux de la tradition biblique, et notamment paulinienne, il connaît ça par cœur, Luther. Il fait ce qu'il veut. Non, alors là, je ne suis pas d'accord Pierre non plus, Olivier, décidément. Non, mais je suis ravie de m'être mis à dos mes deux invités. Ravie. Oui. Non, je ne pense pas. Alors, très honnêtement, je ne pense pas qu'on puisse parler de libre arbitre dans la question de l'interprétation de l'écriture à propos de Luther. Simplement pour Luther, il le dit d'ailleurs dans le débat avec Erasme, parce que c'est un des gros sujets de leur discussion, comment on interprète le texte biblique. Oui. Et au fond, Luther dit qu'il y a deux types de clarté ou d'obscurité du texte. Il y a d'une part la clarté objective, visible, c'est ce que le texte dit du point de vue grammatical, etc. Et puis, il y a la question subjective, c'est-à-dire, est-ce que je le lis avec les yeux de l'esprit ou non? Et ça, bien évidemment, ça autorise d'une certaine façon une application, entre guillemets, homilétique à des situations qui sont différentes. Alors, on peut dire, il le tord, il en fait ce qu'il veut, mais ils font tout ça. Il n'y a aucune espèce de... Oui, mais tout le monde ne théorise pas le serre-arbitre. Lui, Erasme dit qu'il y a une liberté même dans l'interprétation, c'est cohérent avec ses philosophies. Mais le serre-arbitre n'est pas la question de la liberté de l'interprétation. Ce sont deux choses différentes. Luther vous dira, je l'ai interprété comme ça cette fois-ci parce que c'est ce que je pense que Dieu voulait. C'est vrai que j'oubliais que la question du déterminisme de cadre, a toujours une réponse, en fait. A toujours une réponse. On peut toujours dire que ce qu'on fait en étant apparemment libre, en réalité, a été exigé de moi par Dieu. Non, c'est pas ça. Ce que je dis, c'est que... pour Luther, et je tiens pas à le défendre outre mesure, vraiment pas, mais j'aimerais surtout le comprendre en historien, c'est ça qui m'importe. Et pour moi, ce qui est important chez lui, c'est ce qui est intéressant aussi d'ailleurs, c'est la question du point de vue duquel on parle. Et ça c'est quelque chose d'important dans le cadre de ce débat qu'il a avec Erasme, et qui fait que au fond, je veux pas être plus irénique qu'il ne faut, mais ils sont quand même pas si éloignés l'un de l'autre sur ces questions. en fait. Non, Jean-François Cotier a raison de dire que Luther force le trait, parce qu'il veut effectivement, dès lors qu'Erasme a choisi son camp, je parle d'après Luther, dès lors qu'Erasme a choisi son camp, bah, il faut que Luther assume le sien. Donc il va renforcer cette distinction. Je pense que là où il y a le plus en fait de tension, mais vous serez peut-être d'un autre avis, c'est dans leur débat, c'est sur la question de l'écriture. Parce que pour Luther, l'écriture parle toujours clairement. Alors que pour Erasme, il peut y avoir des ambiguïtés, des endroits où on n'est pas sûr, on n'est pas au fait. Je pense que le débat herméneutique, en fait, est peut-être plus fondamental. Enfin, elle parle clairement l'écriture pour Luther, mais lui, il l'attire un petit peu là où il veut. Mais d'accord, j'arrête. Je voudrais savoir ce que vous pensez, Jean-François Cotier. Vous avez acquiescé. Finalement, il force le trait. Luther vient nous dire Pierre-Olivier Leschaud, mais grosso modo, ils sont assez d'accord. Ce que je trouve incroyable, parce que du libre arbitre, du serf arbitre, l'opposition est quand même claire. Et vous m'avez dit juste avant qu'il y en a un qui fait du l'augustinisme avec de la prédestination absolue, c'est Luther, et un autre qui n'en fait pas. Moi, je pensais qu'il y avait quand même des différences nettes. Alors, je crois qu'il y a quelques différences. Tout ce que vient de dire mon collègue est tout à fait juste. Je crois qu'ils sont d'accord à peu près sur le but, donc la réformation de l'Église. Ils ne sont pas d'accord sur les moyens. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, ils ont, je crois, une différence alors herméneutique. Je pense qu'Erasme, qui est un grand éditeur de textes, hein, il ne faut jamais oublier qu'il a édité 45 auteurs anciens, dont 12 pères de l'Église. Erasme ne croit pas qu'Augustin soit le tout de la de l'enseignement. Par exemple, on sait très bien, hein, le père préféré d'Erasme, c'est Jérôme et c'est Origène. Et donc, il y a une tradition un petit peu différente dans la compréhension des textes entre notre ami Luther et Erasme. Mais ça, je dirais que c'est des questions de sensibilité personnelle. Ils sont d'accord sur le fond, mais pour des raisons, j'allais dire cette fois-ci politiques, Erasme essaye encore une fois de maintenir une sorte d'unité dans l'Église. Oui. Moi, j'aime bien parce qu'on oublie qu'après avoir écrit le traité sur le libre arbitre, après avoir écrit les deux volumes des Hyperaspites, il écrit ce très beau livre qui s'appelle « De la concorde suéta des églises ». Enfin, voilà. Moi, je pense que s'il y a un patron de l'œcuménisme, c'est Erasme. Et Luther, lui, il est dans une autre démarche. Il a besoin, au fond, de s'identifier. Il a besoin d'être reconnu pour une théologie qui soit clairement recevable par ses ouailles. N'oublions jamais quand même 1518 sola fide, 1519 sola scriptura. Ça, c'est des choses qui vont marquer Luther et avec lesquelles Erasme, c'est pas qu'Erasme n'est pas d'accord, mais il y a plus que cela. Voilà, je dirais, si je peux me permettre, je crois qu'Erasme est plus subtil. Et là, ce n'est pas toujours les choses les plus subtiles qu'on entend le mieux. Mais il y a peut-être encore... Alors... Tout à fait d'accord, et notamment les aspects psychologiques, je suis contente que vous les remettiez dedans, parce qu'en fait, à peine on s'en éloigne qu'on les retrouve. Mais Zweig, dont nous avons dit qu'il écrivait dans les années 1930, qu'il y a d'autres enjeux, mais il est assez subtil hein, sur le plan de l'analyse psychologique, et cite Luther, alors évidemment on n'a pas les sources exactes, ça c'est vous qui savez, et il dit donc Luther, selon Zweig, « je ne suis pas venu vous apporter la paix, mais l'épée, en réalité, il met cela donc dans la bouche de Jésus. Et la question de Jésus soldat, de Jésus de l'épée, que par exemple Nietzsche aussi aimera beaucoup plus tard, hein, l'idée que c'est un combat que le Christ, comme disent les chrétiens, nous a décidé d'engager, et que c'est la dimension la plus importante, peut-être même encore plus importante que l'amour et la paix, c'est peut-être ce point qui les divise fondamentalement, Luther et Erasme. Pierre-Olivier Leschaud. Oui, il faut croire qu'il avait lu le manuel du soldat chrétien. Non, plaisant. Plus qu'il était plus soldat chrétien qu'Erasme lui-même. Non, je pense qu'il faut repartir de ce qui se passe dans les années 1517-1520. Luther... Au moment où il publie les 95 thèses, dans une lettre qu'il écrit à un ami, dit « Je suis tout à la réforme du cursus universitaire, nous allons enfin enseigner l'écriture et pas Aristote. » Programme érasmien et éminemment érasmien. Et puis il entre dans le débat de la question des indulgences, et au fond, avec ce débat, Luther se retrouve, il est aussi responsable de ça en partie, hein, mais c'est pas que lui, se retrouve excommunié. de cette église qu'il a voulu servir, de cette église qu'il aimait, comme il le dit lui-même. Et donc, il faut bien, à un moment donné, si vous voulez, qu'il, d'une part, qu'il fasse avec ce qu'il lui reste, c'est-à-dire pas l'église, mais un certain nombre de communautés qui adhèrent à ses idées. Et donc, il faut structurer ça et y donner une charpente théologique et institutionnelle. Et puis, d'autre part, il reste la question de la blessure que ça représente pour lui. Et donc, au fond, c'est un peu comme l'enfant rejeté qui systématiquement va taper sur le père. Avec un peu quand même une envie d'être rejeté, c'est ça qui est très troublant, parce que quand même, je ne peux pas me dire, il a quand même tout fait pour être excommunié. Dans le propos, la fermeté, ma conscience me dit cela, et tant pis pour les conséquences. Il a tout fait aussi pour être protégé par certains princes politiquement, mais oui, l'idée de la rupture est quand même claire et nette dans son comportement, vous ne croyez pas? Alors, ça dépend par rapport à quoi. Si c'est par rapport à l'Église et à l'Église qu'il regarde comme une mère, je dis un père, mais en fait, il faudrait que je dise une mère, si on veut vraiment psychologiser à l'excès. Il y a chez lui une claire volonté de se soumettre. Il faut voir entre 1517 et 1520 avec quelle difficulté il en vient à finalement rejeter l'autorité du pape. Et c'est dans un débat qu'il a en 1519 avec Johannes Eck, qui est un des grands théologiens de la Curie, que finalement il en vient à dire oui, bon, ben le pape, non. Mais il est contraint de le faire. Et ça, c'est vraiment très important. Et donc, quand il en vient à discuter avec Erasme, il est déjà hors de l'Église, chassé hors de l'Église. Et donc, il a, pour le dire ainsi, plus rien à perdre. Au contraire, ce qu'il faut maintenant, c'est qu'il montre pourquoi il a été éjecté. Jean-François Cottier, vous allez avoir le dernier mot, car hélas, nous arrivons presque au bout de cette émission. Sur toutes ces questions, le fond du fond du fond de la bagarre. Le fond du fond de la bagarre, c'est une époque quand même extraordinaire, puisqu'on peut se disputer à mort pour des questions aussi importantes que celles du libre-arbitre ou de la liberté de l'Église. Je pense que ces deux hommes, finalement, se respectaient. Peut-être qu'ils se sont parfois détestés, mais ils avaient tous les deux le même souci, celui de transformer l'Église pour en faire quelque chose de plus chrétien. Voilà. We'll be right back. n'y voyez aucun message caché, aucune propagande, mais nous avons choisi une chanson en faveur du libre-arbitre. C'était Free Will de Rush, de 1980. If you choose not to decide, you still have made a choice. You will choose free will. Même si tu ne choisis de ne pas décider, tu fais un choix. Et moi, je choisis le libre-arbitre. Merci beaucoup à tous les deux. Vous avez été formidables dans cette émission sur Martin Luther et Erasme. En maniant les considérations psychologiques, politiques, théologiques et philosophiques. Il est temps de retrouver Frédéric Worms, qui cette semaine nous parle du tragique et de la loi. Voici le pourquoi du comment. Pourquoi Antigone ou Hamlet ? La différence entre le tragique en général et les tragédies réelles, c'est toujours la différence entre le général et le particulier, ou même l'individuel. On l'a déjà dit et il faut le répéter, le tragique ce n'est jamais seulement le général, le malheur général ou même la faute générale qui s'abat sur l'humanité en général. Le tragique c'est toujours l'acte individuel, c'est toujours la personnalité individuelle qui porte sur elle jusqu'à sa propre destruction, parfois volontaire, comme c'est le cas d'Antigone ou Hamlet qui vont jusqu'à à se détruire eux-mêmes et tous les êtres qu'ils aiment pour réparer une injustice. C'est l'individu donc qui porte en lui l'acte parfois qui cause le malheur et l'acte aussi de vouloir le réparer. Ainsi, les tragédies, Bergson l'avait noté et il faut le répéter, portent toujours un nom individuel. Les responsables ont toujours des noms et c'est bien normal. Et même quand on parle du tragique aujourd'hui devant certains actes, il faut d'une certaine façon toujours penser à leurs responsables et chercher à les traduire en justice. Ainsi, se réfère-t-on toujours à Antigone ou à Hamlet, qui sont particulièrement frappants pour les tragédies de la justice, justement parce qu'ils se font d'une certaine façon les justifiés de fautes non réparées par la loi, de fautes non réparées par la cité, de fautes individuelles ou collectives que la cité elle-même n'a pas eu la responsabilité de reprendre, à laquelle elle n'a pas eu la capacité de répondre. Mais alors, justement, il faut aller plus loin que cette simple individualisation du héros tragique, de la tragédie qui porte un nom qui reste gravé au fer rouge et qui vient bizarrement, même dans les grandes tragédies collectives de notre temps, revenir comme un remords. Elle revient toujours, elles ont été réécrites, toutes ces tragédies, pendant la Seconde Guerre mondiale. Combien d'Antigone, combien d'Électre ne sont pas revenus sur les scènes des grandes démocraties, des pays en guerre en Europe. Antigone a été rejouée sur toutes les scènes de tous les drames du monde, à chaque fois qu'un drame se produit, et pourquoi exactement? C'est qu'il y a un élément justement qu'on a dit ici en passant, mais qui est tout à fait essentiel pour Antigone ou pour Hamlet, c'est qu'ils viennent réparer un acte que la loi de la cité n'a pas su interdire, ou ensuite punir. C'est le défaut de la loi qui pousse la tragédie à son second degré et qui nous indique aussi en creux comment la réponse à la tragédie ou au tragique ne réside pas dans le sens de la philosophie en général, mais dans les institutions morales et politiques. Antigone reproche à Créon, dans une scène célèbre, de ne pas avoir par la loi réparé l'injustice faite entre ses deux frères, mais au contraire de la perpétuer puisqu'il interdit l'enterrement d'une des deux victimes du fratricide, l'enterrement aussi de la haine et de la guerre civile. Hamlet, lui, reproche à son oncle d'avoir continué la trahison qu'il avait commise vis-à-vis de son frère en prenant le royaume, et c'est ainsi, c'est la ville entière, c'est le pays, c'est le Danemark où il y a quelque chose de pourri à cause d'une violation individuelle. Ainsi, il ne faut pas s'y tromper. Devant la faute, devant la transgression, le tragique met tout à coup, brutalement, l'un en face de l'autre, l'individu dans sa réalité de ses actes et la loi morale et politique qui est la seule façon de s'y opposer. Antigone ou Hamlet sont les héros tragiques par excellence pour nous, parce que précisément, ils ne sont pas seulement des individus déchirés par des actes, mais des individus qui s'indignent de ce que la loi des hommes, incarnée par le cœur de la cité, de ce que la loi des hommes qui pourrait y répondre, n'arrive plus à le faire. Merci Frédéric Worms, merci Riyad Kira à la réalisation avec à la technique Ruben Carmazine, merci Anna Fulpin pour la préparation de cette émission et à toute l'équipe, Carla Michel, Marine Boudelier, Chaïma Giboire et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.